carré. Tu m'aimes pas, tu me jalouses, va te carrer. Ça me fait marrer, bande de tarés. Y'a de la bomba, chica, pas déclaré. Faut faire du plata, lâche des boules en cata. Faut pas ouvrir la boca, faut laisser faire l'avocat. Ouais là j'suis chaud, tu m'as fâché. Trop de coups de grâce, j'vais plus m'attacher. Si t'as des sous, dis à personne où tu les as cachés. Mon cœur est trop chargé, c'est une rafale que je viens lâcher. Pour elle si fond, fond, fond, elle fait sa folle, folle, folle. Les choses se font, font, font, pas par téléphone, fun, fun. C'est la war. Demande à Wari, à Jul, à Blups. Lunettes de Matrix, vas-y prends la pix. Hermano, pour la somme tu débarques en zone, hermano. Quand y'a plus tu repars en crabe, c'est pas beau. Gros cylindre et des limotards, 2,70 sur le compteur. Envoie l'hiver et les moutards. La drogue et l'argent c'est le moteur. Un charbon dans le bloc, que des TP dans le mal. Des chargeurs améliorés. J'fume mon terre. Y'a des jaloux, des bâtards dans l'hélicoptère. J'ai fait le charbon, le chantier, ouais j'suis voyant comme mon père. Si je réécoutais les poussées, j'aurais niqué des mères. C'est toute la famille qui pleure quand t'as frère qu'on défère. Moi c'est ma femme que j'préfère, j'aime quand les menottes tu me desserres. Nous la hagla on sait faire, mais quand c'est des frères on sépare. Arrête de me faire le déter, après tu vas me ramener tes pères. On vient, on nique tout, on repart, les choses bien on sait les faire. Des poutres. Et on dit merci qui? Et on dit merci Jul. On fait le signe Jul. Et on dit merci qui? Et on dit merci Jul. On fait le signe Jul. Comme Mickey dans Snatch. J'fais tourner le faya que j'allume mon snitch. Capiche. Et quand tu fais des sous, c'est bizarre, ils veulent tout savoir ce qu'il y a dans ta poche. Poto, j'ai l'habitude, moi j'suis pas la victime, j'sais que la vie tue. Si on parle de rue, c'est parce qu'on l'a vécu au trou du cul. En doré de platine, dans la soucoupe volante. Pétard cacolac. La mise, elle a bu trois verres, elle stale son coloc. Snapchat à OSN, Insta CGIPS. J'suis dans le Merco GTS. J'me crame des cycles, j'm'envoie des secs. Et au quartier, quand je squatte trop, pour rien de cacher, j'envoie des scènes. Demain, si Charlot dit quoi trop, putain, The B2C décède. Y'a la Skoda qui tourne, y'a un Kadji qui bloque la route. Et pour t'insulter, ta famille, pas besoin de connaître le Larousse. J'tourne dans la zone avec un citron, j'vends des CD, chef, pas de litron. Fais ce que tu veux, mais moi, une amende, mais ton petit m'écoute depuis le biberon. Il me cherche la merde, ça me rend méchant. Ils m'aiment pas, mais ils écoutent mes sons. Ça fait quoi faire alors? Ils se font des films comme Luc Besson. J'parle pas comme le transporteur. J'fais des scores en un quart d'heure et j'me fais discret.